Chapitre 31e. Le mari de Marina commença juste à créer des problèmes à ce moment-là. Le divorce ne lui suffisait pas, disait-il. Puisque Marina allait avec un homme riche et qui plus est le fils de son employeur, il était normal qu'il y eût compensation, une sorte de dédommagement pour la perte de sa femme en quelque sorte. Marina n'osait en parler à son amant. Comment un homme avec lequel elle avait vécu tant d'années pouvait en arriver à pareille bassesse. Jason vit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Son amour pour Marina était tel que, d'un simple regard, il devinait quand elle était souffrante, joyeuse ou préoccupée, comme c'était le cas. Mon âme, dis-moi ce qui ne va pas. Oh, rien que je ne puisse résoudre, je t'en prie, Jay. Parlons d'autre chose, ou plutôt, ne parlons plus. Elle se blottit contre lui, mais son esprit vagabondait. Il le sentait. Honey, il faut me le dire. Je te sens si lointaine, si distante. Peut-être es-tu déjà lasse de moi? Oh non, Jay, je t'en supplie, ne pense jamais à une chose pareille. C'est impossible. Je ne pourrai jamais me lasser de toi. Tu es l'homme de mes rêves les plus fous. Jamais de ma vie, je n'aurais cru à un amour si fort, si puissant, si dévastateur. Je t'aime, Jay. C'était la première fois qu'elle lui disait ces mots d'amour. Il lui avait ouvert son cœur dès qu'il l'avait revue, mais Marina lui avait seulement dit qu'elle était tombée amoureuse de lui, non qu'elle l'aimait comme elle le faisait à présent. Ce n'était certes qu'une nuance pour lui. Il sentit monter au plus profond de lui-même un élan de protection indéfinissable par ses paroles, par des paroles. Je sais que quelque chose te préoccupe. Je veux, pardon, j'aimerais que tu m'en fasses part, s'il te plaît, darling. J'ai tellement honte, Jay, je ne pourrai jamais. Tu peux tout me dire, tout me faire, Marina. Je suis à toi. Tu peux disposer de ma vie comme tu l'entends. Jamais je ne ferai quelque chose qui te ferait souffrir. Mais si je peux t'aider, je ferai tout pour ça. Tu as compris, mon amour? Ma vie est tienne. Je te l'ai donnée le premier jour où mon regard a croisé le tien. Marina regarda cet homme, lui si grand, si beau, si intelligent. Qu'avait-elle fait pour qu'il l'aime autant? Elle hésitait à lui rapporter la conversation qu'elle avait eue avec son mari. C'était si abject. Jay, mon amour, raconte-moi tout. Je veux t'aider. Vas-y, je suis là aussi pour ça. Tu es un homme extraordinaire. J'ai l'impression de t'avoir toujours connu, comme si... Une vie antérieure, peut-être. J'en ai parlé à mon père il n'y a pas si longtemps. C'est étonnant comme nous ressentons les mêmes choses. À présent, parle, explique-moi. Après leur discussion, Jason pâlit. Il croit peut-être que je vais refuser de payer, comme cela il pourra te garder. Il est fou. Intelligent, mais fou. Bien sûr que je vais payer. Tu seras libre, mon âme, ne t'inquiète plus de cela. Marina se rembrunit. Honey, tu ne penses tout de même pas que si je fais cela, je t'achète? J'ai ressenti le fond de ta pensée. Il ne faut jamais que tu oublies que je t'aime. Je te rassure immédiatement. Si tu décidais un jour de me quitter, jamais je ne me ferais le même chantage que ce... Enfin, pour que tu en sois bien certaine, je vais appeler mon père. Il va régler cette affaire au plus vite et au mieux avec nos avocats. Ainsi, cet argent, il n'en sera fait mention que comme un dédommagement pour ton mari, disons, sa mutation à l'étranger. N'est-ce pas une bonne idée, mon âme? Pourquoi fais-tu tout cela pour moi, Jay? Je n'arrive pas à comprendre. Je suis plus âgée que toi de 5 ans. Je suis plutôt forte. Je suis même pas jolie. Que veux-tu de moi, Jay? Uniquement ton amour, si tu en as pour moi. C'est tout, mon âme. Et je déteste cette manière que tu as de te rabaisser. Pour moi, tu es la plus jolie femme au monde. Je maudis cet homme qui t'a fait tant de mal et qui t'a fait perdre toute confiance en toi. Jay, je t'en prie, je n'ai pas de hier. Je sais comment je suis. Je te vois comme cela, moi. Je te vois autrement, c'est tout. Je t'aime de toutes mes forces. De cela, tu peux en être certaine. Tu l'es, n'est-ce pas? Tu ne doutes plus. Comment pourrais-je en douter? Mais quand même, je ne comprendrai sans doute jamais pourquoi tu m'aimes autant. Mystère de la vie, darling. Bon, je vais tout de suite téléphoner à père. Plus tôt cette affaire sera réglée, plus vite tu seras libre. Lorsqu'il revint une demi-heure plus tard, il souriait. Voilà, c'est fait. Papa part pour Paris immédiatement. Ses avocats vont faire la vie dure à ton cher époux, surtout s'il te cause encore des problèmes. Ne parlons plus de tout cela. Que te plairait-il de faire à présent? Tu tiens vraiment à le savoir? Bien sûr, je suis à ton entière disposition. Veux-tu aller à la mer, au cinéma ou... Marina l'empêcha de continuer en l'embrassant éperdument. Que me vaut ce traitement de faveur? Rien. Il faut une raison pour que j'embrasse l'homme que j'aime. Jason se dit que cela 3 fois en à peine 1 heure que Marina lui disait qu'elle l'aimait. C'était vraiment trop bon à entendre. Il ferait n'importe quoi pour qu'elle le lui dise encore et encore. D'accord. Je veux bien te le redire encore, mais à une seule condition. Dis-moi vite laquelle. Je veux rester ici, seule, avec toi. C'est tout? Non, je veux aussi que tu me fasses l'amour, mon jet. Je crois que c'est quelque chose que je peux encore faire. Vraiment. Ils se chamaillèrent pendant quelque temps jusqu'à ce que le désir les mène dans la chambre. Après une longue journée à s'aimer, Jason raccompagna Marina et rappela son père pour avoir des nouvelles de leur affaire. Mon fils, dit celui-ci par téléphone, le monsieur est très gourmand, comme tu t'en doutais. Mais je l'ai remis à sa place. Il partira pour notre succursale de Londres sitôt le divorce prononcé. Les papiers sont signés, mon fils. Tu as quand même perdu 200 000 euros. Tu es vraiment prêt à payer une somme pareille pour cette femme? Je serai prêt à donner tout ce que j'ai pour elle. Je l'aime, père. Cela te paraît-il suffisant? Amplement, mon fils. Pourtant, j'espère que tu ne fais pas aucune crainte. Au fait, ne parle jamais de cette somme à Marina. C'est toi le chef, Jason, et c'est ton argent. Tu l'as gagné. De plus, comme tous les Emerson, il y a notre héritage du pétrole. Mais fais quand même très attention, non pas à Marina, mais à son salopard de mari. En tous les cas, tu peux compter sur moi. Je serai muet comme une tombe. Ah, autre chose, je me demandais si tu pouvais venir me chercher en voiture. À Paris? Bien sûr. Remarque que je pourrais conduire, mais je t'avoue être un peu fatigué. Et Jérémy est resté en fleurs. Je n'ai pas tenu à le mettre au courant de notre petite affaire. Tu as bien fait, papa. C'est entendu, je passerai te prendre demain. J'en profiterai pour acheter un bijou à la femme que j'aime. Je t'attendrai au Hilton, mon fils. À demain. Le lendemain matin, de très bonne heure, après avoir appelé Marina et remis leur rendez-vous au jour suivant, Jason allait monter dans son coupé Mercedes lorsque Mike surgit. Laisse-moi conduire, veux-tu? Mike, je vais chercher à Paris, je vais chercher papa. De plus, tu ne connais pas assez bien ma voiture pour cela. Et puis, je n'ai pas de temps à perdre pour tout t'expliquer. Oh, ne joue pas les rabat-joie, grand frère. Je suis aussi apte que toi pour conduire ce petit bijou. De plus, je serai extrêmement prudent. Et puis, tu seras à mes côtés. Allons, un bon geste. Mike, il a gelé cette nuit. Il risque encore d'y avoir du verglas. Je n'aimerais pas. Jason, je suis responsable. Je te promets de faire au maximum attention. Allez, laisse-moi conduire à l'aller. Puis au retour, tu. Bien sûr, au retour, il y aura papa. Jamais tu n'oserais, n'est-ce pas? Secouant la tête, il finit par capituler et lui lança les clés. Je te préviens, Mike, une seule imprudence et je reprends le volant. D'accord, ne t'en fais pas, tout ira bien. En route, Paris, nous voilà. L'autoroute était vide lorsqu'ils s'y engagèrent. C'est génial. Ta voiture est un vrai bijou. Ce n'est pas pour autant qu'il faut accélérer, Mike. Parce qu'il n'y a pratiquement personne, détends-toi. Cependant, ils déchantèrent quelques kilomètres plus loin. Le trafic devint plus dense et des plaques de verglas faisaient ralentir les automobilistes prudents. Mike continuait pourtant à la même allure. Mike, j'aimerais que tu ralentisses un peu. Mais ma parole, tu as peur. Allez, je ne vais pas si vite. Mais tout bascula à ce moment précis. Un camion perdit le contrôle et s'encastra dans la glissière de sécurité. Mike freina brusquement, n'écoutant pas Jason qui le suppliait de ne pas faire cette manœuvre aussi rapidement. La voiture chassa pour s'enchasser à son tour sous le camion, puis rebondit sur la file de gauche où elle fut percutée de plein fouet par un autre véhicule arrivant à toute allure. Mike fut éjecté, mais Jason resta emprisonné parmi les tôles déchirées et calcinées. Sans connaissance, Jason fut transporté à Paris de toute urgence. Mike n'avait quant à lui que quelques contusions. Il avertit aussitôt son père et Jérémy. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Jason avait sombré dans un coma profond. Atteint de graves brûlures, d'une hémorragie interne que les chirurgiens stoppèrent avec difficulté, il était dans un état critique. Pendant une semaine, ce dernier ne donna aucun signe de retour à la vie. Seul l'appareil respiratoire le maintenait. Puis un matin, finalement, il ouvrit les yeux. Il vit son père et ses frères à son chevet, endormis dans des fauteuils. Il voulut rassurer son père en lui prenant la main que ce dernier avait laissée sur le lit. Il comprit, à ce moment-là, qu'il ne pouvait remuer ni bras ni jambes. Papa. Robert s'éveilla brusquement. Voyant que son fils avait enfin repris conscience, il se leva, se pencha vers lui, le serrant sur son cœur en pleurant à chaudes larmes. Mon fils, mon petit, Dieu merci, tu reviens. Il ne pouvait que répéter ces mots, tellement ému de lui faire savoir le soulagement qu'il avait enfin de le revoir vivant. Jérémie s'éveilla à son tour. Comment te sens-tu, mon frère? Je sais, ce n'est pas brillant, mais tu ne peux pas savoir combien je suis heureux de te voir à nouveau parmi nous. Il se détourna pudiquement et laissa couler des larmes de joie sans que Jason ne les vît. Mais ce dernier lui dit: Ne te détourne pas, Jérémie, je t'en prie. Je suis vraiment mal en point, pas vrai? Tu es revenu à toi, c'est le principal. À présent, ce ne sera qu'une question de temps, mais je te jure que dans quelques mois, on ne reparlera plus de tout cela et, Jérémie, oui. Je ne peux plus bouger. Tu. Jérémie regarda son père atterré. Robert prit la main de Jason entre les siennes. C'est le choc, mon fils, cela s'arrangera. Il faut, comme dit ton frère, avoir un peu de patience. Nous allons tout faire, tu m'entends, tout faire pour que tu te rétablisses. N'aie crainte, je t'en fais la promesse.